13h18 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Je vous préviens tout de suite, il ne s'agit pas d'une page glorieuse de l'histoire de nos services secrets. Ainsi a commencé mon dernier entretien avec M. X. Et mon interlocuteur a poursuivi, avant même que je n'aie branché mon magnétophone, je le cite de mémoire, « Mais je vous ai dit, dès notre première rencontre, que je ne voulais rien dissimuler et que j'avais besoin, un besoin impérieux, de me libérer de tous ces secrets qui encombrent ma mémoire, et peut-être aussi ma conscience. Alors de quoi s'agit-il? De la mort mystérieuse en 1960 d'un homme politique camerounais, Félix Moumié. Un meurtre qui a vraisemblablement été exécuté par notre service de renseignement, le SDEC, et ordonné par le pouvoir politique français. Bref, une opération homo, comme on dit dans le jargon des services. Avant d'écouter le récit de M. X, quelques informations sur le Cameroun puisées dans les mémoires du XXe siècle des éditions Bordas. En 1946, le Cameroun français devient, malgré son statut de pays sous tutelle de l'ONU, un territoire associé au sein de l'Union française. Un parti nationaliste, l'Union des populations du Cameroun, UPC, fondé en 1948 par des milieux syndicalistes, revendique l'indépendance et la réunification avec le Cameroun britannique. Une organisation très stricte régit le parti dirigé par Félix Roland Moumié et le secrétaire général Oum Niobé. Restreinte dans ses activités par les autorités coloniales, l'UPC réagit par des actes de violence. Les autorités françaises interdisent alors le parti et ses dirigeants doivent s'exiler. Le combat, désormais clandestin, est poursuivi par l'une des ailes du parti dirigé par Oum Niobé. Toutefois, la guérilla se limite à certaines zones du territoire où éclatent des émeutes insurrectionnelles en décembre 1956, peu avant les élections, en vue du renouvellement du Conseil territorial élargi. L'Union nationale camerounaise, menée par Amadou Ahidjo, remporte les élections. Le chef des démocrates camerounais, André-Marie Mbida, devient Premier ministre et choisit Amadou Ahidjo comme vice-premier ministre. Après une crise ministérielle en 1957, Amadou Ahidjo devient Premier ministre en 1958. Mais peu de membres de l'UPC se montrent favorables à ses propositions de réconciliation, bien qu'il conduise son pays à l'indépendance le 1er janvier 1960. Moumié et les siens considèrent Ahidjo comme un homme de paille de la France et continuent le combat. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'Afrique noire, c'est un lieu commun, a toujours été notre précaré. Et nous n'avons jamais cessé de nous en occuper. Oui, malgré l'indépendance des pays africains. Bien évidemment. Vous savez très bien que l'indépendance dans beaucoup de ces pays a été une fiction. En fait, c'est la France qui a continué de les diriger en sous-main, économiquement et politiquement. Et en vertu d'accords de coopération militaire, c'est aussi la France qui a joué le rôle du gendarme lorsque les dirigeants en place étaient menacés. À moins qu'elle n'ait décidé, comme dans le cas de Bokassa, par exemple, de se débarrasser d'un personnage un petit peu trop encombrant. Enfin, nous en avons déjà parlé. Et au Cameroun, c'est donc la même chose. Naturellement, sauf que notre action était encore plus secrète et aussi beaucoup plus meurtrière. Meurtrière? Oui, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes directement ou indirectement responsables des massacres qui ont été perpétrés dans ce pays. Mais racontez, là. Tout a commencé avant l'indépendance, à la fin des années 50. Déjà à l'ouest du Cameroun, dans ce que l'on appelle le pays Bamileke, les indépendantistes de l'Union des Populations du Cameroun, l'UPC, sont en état d'insurrection permanente. Contre la France? Oui, contre la puissance coloniale. Et les autorités de l'époque mettent le paquet. Mettent le paquet, c'est-à-dire? Ben, dans la meilleure tradition colonialiste, on a maté les rebelles, fait assassiner quelques-uns des responsables de l'UPC. Et un commando a même franchi les frontières du Cameroun britannique afin d'aller y traquer et liquider les chefs de l'UPC qui y avaient trouvé refuge. Parallèlement, bien sûr, nous avons favorisé l'ascension d'un homme qui nous était tout à fait acquis. à Idjo. Idjo qui viendra le dirigeant du Cameroun lors de l'accession de ce pays à l'indépendance en 1960. Exactement, mais un homme est bien décidé à nous mettre des bâtons dans les roues. Et cet homme, c'est Félix Moumier, le nouveau président de l'UPC. Justement, parlons de ce Moumier, là, qui est-ce? C'était un jeune médecin, un type énergique, très actif, et qui, après la brutale répression de la fin des années 50, reprend le flambeau et reconstitue des maquis en pays Bamileke. Contre Aïdjo, donc? Contre lui et ses protecteurs français, oui. Mais une question personnelle avant de poursuivre, là. Comment vous êtes-vous situé, vous, dans cette affaire? Écoutez, je crois que vous avez compris. Il fallait agir discrètement et utiliser des spécialistes des coups tordus. Les services spéciaux ont donc été très impliqués dans ces affaires coloniales. Au Cameroun, mais aussi en Guinée, quand il s'agira d'essayer d'abattre ces couturés. Et plus tard, bien sûr, au Tchad. Ouais, donc vous aussi, vous avez été impliqué, hein? À mon corps défendant, oui. Et heureusement, très brièvement, mais suffisamment quand même pour être bien informé. Je dois donc comprendre que vous n'approuviez pas ce qu'on faisait en Afrique? C'est la vérité. Ouais, mais vous pouviez démissionner, hein? Pas si facile que ça, je crois vous l'avoir déjà dit. Quand on appartient à ce genre de maison, on y est attaché à vie. Mais pourquoi? À cause des secrets que vous connaissiez? En partie, oui. À cause des dangers partagés aussi. Quand on a combattu ensemble pendant la guerre, on ne peut pas oublier. Même si vos compagnons d'armes vous déçoivent ensuite parce qu'ils trahissent l'idéal commun. Mais c'est une autre histoire. Et puis, je ne suis pas venu ici pour parler de moi. Dommage, pour une fois que vous en disiez un tout petit peu plus. Oh, mais tu l'insistais. Je note toutefois que vous désapprouviez ce qui se faisait en Afrique au nom de la France. Admettons, hein. Et revenons au Cameroun, si vous voulez bien. Dès la signature de l'indépendance, en janvier 1960, un accord de coopération militaire est passé avec la France. Et à la demande d'Anijo, un général à poigne est envoyé là-bas avec pour mission de mater la rébellion. Donc les autorités françaises couvrent, hein? Bien sûr. Et l'homme qui a pris cette décision en plein accord avec le général de Gaulle, c'est naturellement Jacques Foccart. Foccart qui est alors le vrai patron des services secrets. Et comment ça se passe, hein? Comme prévu. Les rebelles sont écrasés, des villages entiers sont incendiés, rayés de la carte. Mais pourtant, il ne semble pas qu'à l'époque, on en ait beaucoup parlé. Vous avez tout à fait raison, mais il ne faut pas oublier qu'au début 1960, les regards sont tournés vers l'Algérie. Alors, ce qui se passe au Cameroun, n'est-ce pas? Ouais, donc on pacifie et on tue en silence. C'est à peu près ça. Il y a des milliers de victimes. Et Moumier, lui? Je pensais bien que c'est la cible prioritaire, mais le dirigeant de l'UPC a compris le danger. Il échappe de justesse au ratissage du pays Bamileke. Et il prend rapidement le large. Et il se réfugie où? En Guinée et au Ghana. Mais Moumier voyage aussi beaucoup. Il se rend au Congo pour rencontrer le leader congolais progressiste, Lumumba. Et il se rend également en URSS et en Chine. Et les marxistes? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais comme tous les leaders tiers-mondistes de cette époque, le docteur Moumier se rend dans les pays susceptibles de l'aider dans ce qu'on appelle alors le combat anti-impérialiste. En tout cas, à Paris, lorsqu'on apprend ses voyages, on voit littéralement rouge. Donc Moumier est sérieusement menacé? Oui, et il le sait. D'ailleurs, il prend ses précautions et veille, par exemple, à ne jamais voyager sur des lignes aériennes qui survolent la France ou les pays de l'Union française. Il a peur que son avion soit arraisonné. Évidemment. Il n'a pas oublié la mésaventure de Ben Bella et de ses amis. Ça veut dire qu'il est sans arrêt sur ses gardes? Oui. Mais que veut exactement Paris? Le capturer ou se débarrasser définitivement de lui? Le capturer, non. Moumier serait bien plus embarrassant en captivité que libre. C'est donc la deuxième solution qui est envisagée. La liquidation pure et simple. De fins connaisseurs de l'Afrique prétendent d'ailleurs que dans le système tribal qui règne là-bas, il suffit d'abattre le chef pour venir à bout de la rébellion. Liquidation, d'accord, mais par qui? Par le Cameroun ou par la France? La réponse est évidente, c'est la France. Les Camerounais n'ont pas la capacité technique d'éliminer un homme qui se sait menacé et se protège en permanence. Donc à Paris, on prend froidement la décision d'assassiner Moumier. Exactement. Et vous le savez, puisque j'ai déjà évoqué devant vous les activités de la pseudo-main rouge, on ne manque pas de spécialistes. Ouais, la main rouge qui était, m'avez-vous dit, une pure création des services secrets français. Tout à fait. Ouais. Alors c'est la main rouge qui... Oui, c'est-à-dire des agents français. Mais il faut agir avec habileté. La France, c'est clair, ne doit pas être compromise. Elle est déjà montrée du doigt dans le monde entier à cause de sa politique algérienne, alors inutile d'en rajouter. La responsabilité du crime doit pouvoir être imputée à quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi qu'un plan particulièrement machiavélique est échafaudé. Je reviens sur les opérations militaires françaises au Cameroun. Un auteur, Georges Chaffard, les a évoquées avec beaucoup de précision dans son livre intitulé « Les carnets secrets de la décolonisation ». Je le cite. Entre Douala et Bafoussam, près de 400 000 Bamileke sont en dissidence. Pour rétablir l'ordre à la demande expresse du gouvernement camerounais, le général Briand dispose de 5 bataillons, un escadron blindé et un escadron de chasseurs-bombardiers T-26 pour des missions d'intimidation. Dès sa première tournée en pays Bamileke, Le général Briand peut prendre la mesure de la situation. 12 fois, le convoi de véhicules doit s'arrêter et l'escorte mettre pied à terre pour dégager la route. Ce sont de véritables grappes humaines sans armes mais hostiles qui barrent le passage et s'agrippent aux voitures. Rarement, insurrection a eu un caractère si populaire. Plus loin, Chaffard écrit que ce qu'on attend des militaires français, c'est d'isoler la zone contaminée pour éviter la contagion, puis d'y briser la rébellion manu militari, enfin d'y assurer la réinstallation et la protection temporaire de l'administration nationale camerounaise. L'auteur précise que le général Briand n'a rien d'un patient artisan de la pacification. Il commandait en Indochine le 22e hérissé, qui n'avait pas dans les années 47-49 la réputation d'un corps d'enfant de cœur. Et Chaffard d'ajouter, des officiers français admettront par la suite qu'on a frappé trop fort et qu'avec d'autres méthodes, on eût obtenu, à moindre prix, de meilleurs résultats. Mais les autorités camerounaises n'étaient pas les dernières à réclamer des méthodes expéditives. Mais revenons à l'opération destinée à liquider le docteur Félix Moumier. Il fallait d'abord, pour éviter que les soupçons ne se portent sur la France, que Moumier meure assez loin de chez nous. Et surtout que la responsabilité de sa mort, je vous le disais, puisse être attribuée à d'autres. Au Camerounais, par exemple. Non, parce qu'inévitablement, on aurait vu la main des Français derrière. Alors les spécialistes des opérations Oumou ont imaginé de faire mourir Moumier dans l'une de ses planques étrangères, c'est-à-dire au Ghana ou en Guinée. Mais pourquoi là? Parce que là-bas, il sera facile de prétendre que Moumier a été éliminé par des rivaux politiques. Ouais, ça me paraît quand même un peu cousu de fil blanc. Et pas tant que ça. Au Congo belge voisin, qui vient aussi d'acquérir son indépendance, on s'étripe, les chefs se déchirent. Alors pourquoi n'en serait-il pas autant dans le petit monde des opposants camerounais? Non, je vous assure, ça n'est pas du tout idiot. Peut-être. Et ce plan, alors? Avant de vous l'exposer, il faut d'abord que je vous parle d'un curieux personnage. Le grand Bill, comme on l'appelait dans les services. Pardonnez-moi, mais c'est un pseudonyme qui ne fait pas très sérieux. Vous avez raison, d'autant que le grand Bill était en réalité un petit monsieur qui boitait. Mais William Bechtel, c'était son vrai nom, était quand même un sacré bonhomme. Racontez. Bechtel était un homme d'action. Blessé et décoré de la médaille militaire durant la guerre de 1914-1918, il a été l'un des premiers Français à rallier le général de Gaulle à Londres à bord d'un bateau de pêche en juin 1940. Puis il a combattu à Bir Hakeim, en Syrie, et à sa demande, il a été parachuté en Normandie en août 1944, en pleine zone des combats, alors qu'il avait déjà presque 50 ans. C'est à cette occasion qu'il a été blessé à la jambe, d'où sa claudication. Un héros, donc. Oui, le mot est à peine exagéré. Songez que malgré sa blessure, c'est lui qui a dirigé par radio, depuis le sol, les bombardements américains sur les troupes de von Klug. William Bechtel a aussi contribué à la prise de Rouen, avec des dommages relativement limités. Et après la libération, il reprend son paquetage et part en Indochine. Malgré son âge. Oui, mais il se bat dans les rizières et se fait même parachuter à Dien Bien Phu. Mais là, il a alors pas loin de 60 ans, non? Exact. Tête brûlée? Oui et non. Oui, parce qu'il prend des risques insensés. Non, parce que depuis longtemps, Bechtel est un homme des services. Un agent, donc. C'est cela. Et après l'Indochine, il continue à travailler pour le SDEC. Et de quelle façon, hein? Bechtel devient journaliste. C'est une couverture. Naturellement. Ouais. Mais dans quel organe de presse travaille-t-il? Il est employé par une obscure agence de presse établie à Genève. Ouais, donc une officine d'espionnage. Non. C'est une véritable agence. Modeste, d'accord, mais on y fait quand même du journalisme. Et William Bechtel écrit réellement des articles. Ouais. Mais si cette profession de journaliste est une couverture, elle sert à quoi? Comme journaliste, Bechtel peut voyager sans attirer l'attention un peu partout en Europe et surtout en Afrique. Nous y voilà. Bien sûr. En août 1960, il se trouve par exemple à Accra, au Ghana. Et comme par hasard, il rend visite aux dirigeants de l'UPC en exil. À Moumier, non? Non, Moumier est absent. Et Bechtel rencontre deux autres membres de la direction du parti. Mais ça ne lui suffit pas. Ce qu'il veut, lui, c'est voir Moumier en personne et l'interviewer. Les autres ont beau dire que leur direction est collégiale et qu'ils peuvent donc très bien parler au nom de l'organisation. Bechtel ne veut rien savoir. Et à force d'insistance, il finit par obtenir gain de cause. Il rencontre donc Moumier. Oui. Mmh. Et tout en l'interviewant, il laisse percer ses sympathies politiques pour le jeune leader. Mmh. Mais quel véritable but poursuit-il alors? Mais il veut à l'évidence gagner la confiance du docteur Moumier. Et lorsqu'il le quitte, il lui dit « Si vous passez par Genève, faites-moi signe, je pourrai sans doute vous aider ». Notez que Bechtel sait très bien que Moumier se rend assez souvent en Suisse. Et pour une excellente raison. Dans les services, nous savons parfaitement que c'est à Genève que le leader camerounais noue des contacts diplomatiques et rencontre des marchands d'armes. Mmh. Alors votre grand Bill là, veut donc entraîner Moumier en Suisse pour le tuer, vraisemblablement. Et pourquoi n'a-t-il pas agi à Accra, hein? Trop dangereux. Au Ghana, Moumier était quasiment chez lui. Et puis l'affaire devait être soigneusement préparée et bénéficier de l'assistance d'autres agents. Ouais, admettons. Ouais. Donc Bechtel rentre sagement à Genève et il attend. Il attend longtemps ? Pas trop, non. Au début octobre, Félix Moumier est annoncé, il arrive à Genève. Ouais. Et Bechtel prend contact avec lui ? Non, il préfère que le Camerounais fasse le premier pas. Mais les choses tardent, et le grand Bill commence à s'impatienter, même à s'inquiéter, lorsqu'il apprend que Moumier va bientôt repartir pour le Ghana. Ça veut dire que Moumier est étroitement surveillé, hein? Tout à fait, étroitement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le service a trouvé bon d'attacher à ses pas, si je puis dire, une charmante jeune femme connue à Genève sous le prénom de Liliane, ou Natacha. Ouais, une call girl, ça? C'est à peu près ça, oui, une call girl d'un type un peu spécial, puisqu'elle travaille en principe pour nous. Pourquoi ce « en principe » hein? C'est une des clés de l'affaire. Mais vous voulez encore une fois aller trop vite? Ah non, pas du tout, c'est vous qui me donnez la puce à l'oreille. Peut-être, en tout cas, cette Liliane Natacha tient Bechtel informé des déplacements de Moumier et de ses intentions. C'est ainsi, par exemple, que nous apprenons que le Camerounais a pris contact avec un marchand d'armes tchèque. Mais je vous l'ai dit, ce qui inquiète sérieusement Bechtel, c'est que Moumier, ses affaires faites, va reprendre l'avion sans avoir pris rendez-vous avec lui. Alors il se débrouille pour que le médecin ne trouve pas de place dans l'avion qui doit le ramener en Afrique. Et comment procède-t-il hein? Ça c'est l'enfance de l'art. Rien de plus facile que de s'assurer les services d'une hôtesse au sol, vous savez très bien. Vous pouvez dire non. Enfin, ça n'a pas d'importance, continuez. Le départ de Moumier est donc retardé d'une semaine. Désœuvré, le Camerounais prend presque naturellement contact avec Bechtel. Et un rendez-vous est fixé dans un restaurant de la vieille ville. Bechtel va donc pouvoir passer à l'action. Oui. Et quel est le plan prévu? Tout doit se jouer dans ce restaurant. Moumier, à peine arrivé alors qu'il prend l'apéritif avec le pseudo-journaliste, va être appelé au téléphone. Un coup de fil passé par un complice? C'est évident. Moumier va donc se diriger vers la cabine téléphonique. Et pendant sa brève absence, car bien sûr il n'y aura personne au bout du fil, Bechtel versera du poison dans son verre. Un poison soigneusement préparé par le labo du service et qui ne doit faire son effet que plusieurs jours après son ingestion. Afin que Moumier meure en Afrique? Exactement. Et c'est ce qui va se passer? Non. Ah. Pas vraiment, parce que tout va s'embrouiller de façon catastrophique. Et surtout parce que Bechtel, à son tour, va tomber dans un piège. Mais il ne pouvait pas le savoir. Et à partir de là, cet homme, en principe expérimenté, va accumuler erreurs et bévues. La biographie de William Bechtel, telle qu'elle m'a été rapportée par M. X, est à peu près exact. Il faut simplement ajouter que l'ancien baroudeur a aussi travaillé pour Simca, une autre couverture vraisemblablement. Sur les activités d'agent secret de ce personnage, j'ai trouvé un portrait peu flatteur dans un petit livre paru au début des années 60 chez Maspero, livre écrit par mon confrère Jean-Francis Helde. J'en extrais ces quelques lignes. Effectivement, William Bechtel n'est pas un agent secret auquel on peut se fier. Nous avons évoqué les plus connus d'entre les renseignements trouvés à son sujet. Il y en a d'autres. Bechtel est en effet une sorte de maniaque des services spéciaux. Il n'est pas stupide, mais c'est un cerveau brûlé, un impulsif. Il est passé, souvent à titre de pigiste, à qui on ne confiait qu'un travail précis, rémunéré à la pièce, par tous les services possibles. En Suisse, il travaillait surtout, semble-t-il, pour le deuxième bureau. Bechtel avait été braqué sur les nationalistes africains en général, d'où ses voyages. À l'époque de l'affaire Moumier, il y avait d'ailleurs, entre autres, à Genève, un agent nommé Richard, chargé de limiter les incartades de Bechtel. Les chefs de celui-ci ne soupçonnaient pas, sans doute, jusqu'où allaient ces incartades. D'ailleurs, les agents parfaits ne sont pas nombreux sur le marché. Voilà donc qui était l'agent chargé, selon M. X, d'empoisonner Félix Moumier. Le premier élément qui aurait dû alerter Bechtel, c'est que Félix Moumier, à peine attablé, a déclaré qu'il se sentait malade. Des problèmes digestifs. Et pourquoi ça aurait dû l'alerter? Parce que justement, le poison qu'il était chargé de lui administrer devait provoquer ce genre de symptômes. Ce poison, en fait, c'était quoi? Du thallium, un produit très proche du plomb. Un poison qui agit très lentement, mais qui tue à coup sûr. Deuxième élément embarrassant pour Bechtel. Moumier n'était pas seul. Ah, il était accompagné par la belle Liliane hein? Non, là, désolé de vous décevoir une fois de plus, mais c'est un étudiant qui l'accompagne. Un étudiant camerounais. Ouais. Et dans ces conditions, il va être difficile à Bechtel de verser le poison dans l'apéritif de Moumier. Naturellement. Mais Bechtel, qui est un type audacieux, tente quand même le coup dès que Moumier est appelé au téléphone comme convenu. Malgré la présence de l'étudiant. Oui. Et il verse une pincée de thallium dans le pernod du camerounais. Et quand Moumier revient dans la salle de restaurant hein? Bechtel, tranquillement, l'invite à trinquer. Mais Moumier ne touche pas à son verre. Pourquoi il soupçonne quelque chose après ce bizarre coup de téléphone? Non, il est sans doute irrité, mais c'est tout. La vérité, c'est qu'il parle. Il n'arrête pas de parler. De son pays, de la lutte qu'il mène, des journalistes dont il a besoin pour dénoncer la situation au Cameroun. Et il en oublie son Pernod. Ah, ça c'est... embêtant. Alors comment va réagir Bestel? Mettez-vous à sa place, il est drôlement embarrassé. Alors il commande du vin, beaucoup de vin. Et Moumier qui parle toujours, avale verre sur verre. C'est-à-dire que Bechtel veut le saouler? L'étourdir en tout cas, car il va profiter d'un moment d'inattention de Moumier pour verser une autre pincée de thallium dans son verre de vin. Un nouveau coup audacieux. Oui, parce que son geste doit échapper à ses deux convives. Mais il réussit. Et cette fois, Moumier boit son vin sans même faire de grimace. J'imagine qu'ensuite, ce Bechtel ne va pas s'éterniser. Détrompez-vous, Moumier n'a pas fini avec ses discours. Et on commande à nouveau du vin. Et lorsqu'enfin tous les trois se lèvent de table, le Camerounais prend son Pernod auquel il n'a toujours pas touché et l'avale d'un trait. Bechtel, mettez-vous à sa place, se fige. Moumier a donc ingurgité une double dose de poison. Comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il ne va pas s'écrouler d'un seul coup? Il se rend compte aussi qu'il a commis une faute impardonnable. Expliquez. Après avoir versé le poison dans le vin, il aurait dû se débarrasser du Pernod. Bah oui, mais comment? Bien, par exemple, en faisant semblant de faire un faux mouvement et en renversant le verre d'apéritif. Et Bechtel, donc ce type expérimenté, n'a pas eu ce réflexe? Eh non, aussi étonnant que cela paraisse. Alors, bon, Moumier. Bah, il rentre à son hôtel et en pleine nuit, il se met à souffrir. Il fait appeler un médecin qui le fait aussitôt transporter à l'hôpital. Est-ce qu'il comprend à ce moment-là qu'il a été empoisonné? Bah, il est lui-même médecin, je vous le rappelle. Et assez vite, oui, il comprend. Et lors de l'un de ses rares moments de lucidité, car il va rapidement sombrer dans le coma, il murmure qu'il a été empoisonné au thallium. Ce que confirmeront tardivement les analyses toxicologiques effectuées après son décès. Est-ce qu'il meurt rapidement? Non. Il agonise pendant plus de 15 jours. Et je crois que c'est à peu près au début du mois de novembre, après avoir beaucoup souffert, qu'il s'éteint enfin. En Suisse, donc? Oui. Mais du point de vue purement technique, l'affaire est par conséquent ratée, puisqu'il devait mourir en Afrique. Ben, c'est juste, et le grand Bill panique. C'est-à-dire? Il fuit. Il quitte la Suisse. Dès le lendemain du dîner, oui. Et faute impardonnable pour un agent, il laisse derrière lui tout ce qui peut le compromettre, lui et les services. Par exemple? Bah, la police va retrouver dans sa maison de nombreux indices qui vont rapidement faire de lui le suspect numéro un de l'assassinat de Moumier. Des photos du leader camerounais, des documents sur les différentes façons de tuer un homme et surtout une veste où les policiers suisses vont découvrir dans une poche des traces de thallium. Effectivement, on ne peut pas mieux faire. N'est-ce pas? Sans compter que les mêmes enquêteurs vont également trouver d'autres indices qui prouvent à l'évidence que Bechtel était un agent. Ah mais à Paris, on doit être content, hein? Oui, à la direction du SDEC, on écume. C'est un ratage complet. Sauf que Moumier est mort quand même. D'accord, mais personne n'est dupe. La France est accusée et c'était surtout ce qu'il fallait éviter. Et Bechtel, lui, où se trouve-t-il? Mais il a été pris en charge par les services et mis au vert dans une maison de la Côte d'Azur, en attendant que les choses se calment. Et les Suisses, comment ils réagissent? Ils sont furieux, d'autant que ce n'est pas la première fois que nous intervenons en Suisse. Deux ou trois années plus tôt, le procureur général Dubois s'est même suicidé parce qu'il a été convaincu de travailler pour nous. Alors, vous pensez bien que les services français ne sont pas particulièrement bien vus de l'autre côté des Alpes. Les Suisses lancent donc un mandat d'arrêt international contre Bechtel et ils ne se gênent pas pour accuser directement Paris. Ouais, étant donné le passé de Bechtel, ça me paraît normal. Ouais. Donc Bechtel est escamoté, hein, et il va rester longtemps dans sa planque ensoleillée. Pensez donc, ce type est incapable de tenir en place et à peine quelques semaines après la mort de Moumier, il se rend en Allemagne et il est arrêté. À cause du mandat d'arrêt international? Bien sûr. Et il risque d'être extradé. Mais en haut lieu, on intervient et le grand Bill est miraculeusement relâché par les Allemands. 2 ans plus tard, il participe à l'enlèvement du colonel Argou. Qui était un des chefs de l'OAS. Hein. Oui, Argou est enlevé en Allemagne et on le retrouve ficelé dans une voiture devant le quai des Orfèvres, je crois. Et Bechtel était donc dans le coup. Tout à fait. Et pourtant, il approchait alors des 70 ans. Oh, je connais beaucoup de vieillards qui sont encore très verts. Je vous remercie. Oui. Pendant les années qui suivent, sans doute à cause de son âge, Bechtel se tient tranquille. Mais en 1974, 14 ans après l'assassinat de Moumier, le grand Bill est arrêté en Belgique. Il a alors 80 ans. Et c'est toujours en vertu de ce mandat international? Toujours, oui. Et 4 mois plus tard, ce vétéran de l'espionnage est extradé vers la Suisse, où il est immédiatement inculpé pour homicide. Mais très vite, les autorités françaises se manifestent et font pression pour obtenir la libération de l'agent secret. Quant à ses anciens compagnons de guerre, ils exigent que Bechtel soit élargi, et c'est ce qui va arriver. Il va être innocenté? Très vite. Il est remis en liberté et il bénéficie d'un long lieu en 1980. Bechtel a alors 87 ans. Et comment la justice helvétique justifie-t-elle cette décision? D'une façon très intéressante et qui montre que les juges suisses ont manifestement compris ce qui s'est vraiment passé. Se fondant sur une expertise toxicologique, ils estiment que Félix Moumier aurait absorbé le poison 2 ou 3 jours avant de dîner avec Bechtel. Or, rappelez-vous ce que je vous ai dit, Moumier, lorsqu'il est arrivé au restaurant, était déjà souffrant. Il avait donc déjà été empoisonné? Oui. En somme, on avait devancé l'agent français. Tout à fait. Bah oui, mais dans quel but alors? Faire tomber Bechtel dans un piège et le faire accuser du meurtre de Moumier. Car la nouvelle dose de thallium administrée par le français devait forcément accélérer la mort du Camerounais et donc faire échouer toute l'opération. Ouais, qui se trouve derrière là? Bah, vous pensez bien que cette affaire nous a intrigués. Et je ne vois qu'une solution. C'est Liliane Natacha qui a agi. Elle connaissait tous les détails. Elle partageait les nuits et les jours de Moumier. Elle pouvait l'empoisonner à n'importe quel moment. Mmh. Pourquoi cette cool girl aurait voulu nuire à Bechtel? Elle a agi à l'initiative de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui voulait que la France soit compromise dans l'assassinat du leader camerounais. Un service étranger? Évidemment. Mmh. Mais lequel alors? Là, j'avoue mon ignorance. Mais vous auriez pu interroger cette Liliane? C'est juste, mais nous ne l'avons pas soupçonnée tout de suite. Or, aussitôt après l'empoisonnement, elle disparaît avec les documents de Moumier. Puis elle refait surface, avale un tube de barbiturique, en réchappe, et s'évanouit définitivement dans la nature. Conduite bizarre, non? Et pour le moins suspecte. Dans son livre sur les secrets de l'espionnage français, paru chez Lattès, Pascal Krop évoque cette affaire. Il cite les confidences que lui a faites le patron du SDEC à l'époque, le général Grossin. Celui-ci reconnaît franchement que c'est Bechtel qui a empoisonné le Pernod de Moumier, puis son verre de vin. Mais à aucun moment le général ne fait allusion au rôle qu'aurait joué cette Liliane. Mais peut-être est-il plus difficile de reconnaître un échec que la paternité d'un assassinat. À samedi prochain. Merci, Patrick.